And now we'll continue the scene in the dining room. Ah, good morning. Monsieur Wickham, bonjour. Oh, sorry I've been so long. Oh, de rien. Please sit. Thanks. Oh, you look happy. Oh, oui. Les croissants ici sont délicieux. Mm. Bonjour, monsieur. C'est pour le petit déjeuner? Tout à fait. Il est client de l'hôtel. Votre numéro de chambre, s'il vous plaît. I'm sorry? She wants your room number. Oh, right. Here's my key. 34. Ah, 34. Merci, monsieur. Voulez-vous du thé ou du café? Do you want tea or coffee? Oh, tea, please. Du thé, s'il vous plaît. Du thé, oui, monsieur. Et pour vous, madame, encore du café? Oui, s'il vous plaît. Encore du café, oui, madame, tout de suite. Et voilà, monsieur. Servez-vous au buffet.